La nuit spéciale cinéma italien se poursuit sur France Culture avec Marie-Pierre Lafargue et Mathias Sabourdin, co-auteurs du dictionnaire du cinéma italien « Ses créateurs de 1943 à nos jours » paru aux éditions du Nouveau Monde en 2014. Dans la première partie de la nuit, nous avons évoqué le néoréalisme et la comédie italienne. Au cours des années 50, le néoréalisme se dissipe, la comédie et le mélodrame triomphent, c'est l'émergence d'un cinéma d'auteur, des auteurs qui ont fait leurs armes auprès de ceux que vous nommez « les grands aînés ». Et il y a une date déterminante à retenir, l'année 1959 en termes de production, 60 en termes de sortie, 59-60, c'est le début de l'âge d'or du cinéma italien. Un âge d'or qui durera entre 15 et 20 ans, Marie-Pierre Lafargue. Oui, 59-60, bah c'est un peu le temps rêvé, c'est un petit peu l'apothéose et ce qui nous a donné envie d'écrire ce livre. C'est un moment où... beaucoup d'auteurs vont cohabiter, coexister. Donc on va retrouver les grands aînés dont on a parlé déjà. Et puis émergent les grandes figures, trois grands cinéastes qui ont fait leurs armes, qui se sont formés pendant les années 50 et qui vont exploser là en 59-60. Donc essentiellement Fellini, puisque 1960 c'est l'année de la Dolce Vita. Antonioni, 1960, c'est l'année de l'Aventura. Et puis Pasolini qui arrive en 61 avec son premier long métrage, Acatone. Donc on a voilà cette période rêvée et une période d'une immense vitalité. Donc le cinéma italien rayonne dans ses frontières puisque le box-office atteint des sommets. Le cinéma italien rayonne à l'international puisque ces films-là en particulier raflent tous les prix et des prix très très prestigieux. La Palme d'Or pour la Dolce Vita à Cannes, le prix du jury pour Antonioni, pour l'Aventura. Donc voilà, on a ce moment où toutes les forces vont s'articuler. Une ambition esthétique, une ambition formelle, une ambition politique, une ambition commerciale aussi. Et tout ça va donner cette période aux mille fleurons, hein, puisqu'on parle de ces deux films, il y en a énormément d'autres. De quel cinéaste auriez-vous envie de parler plus particulièrement? Peut-être Pasolini. Une figure très singulière. Ouais, qui est un peu le cas Pasolini, totalement inclassable. Donc lui qui s'est formé auprès de Fellini, enfin formé. Peut-être qu'il avait besoin de personne pour le former, c'est peut-être ça aussi sa particularité, mais en tout cas qui a été scénariste de quelques films de Fellini, notamment sur les nuits de Cabiria, qui est écrivain et poète quand il arrive à Rome, donc fuyant son Frioul natal. On connaît l'histoire, et puis qui va être totalement fasciné par Rome, le peuple romain, le petit peuple romain, et partir filmer dans ses borgates qu'il affectionne et tourner à Catone pour commencer. Et puis Mamma Roma dès 62 avec Anna Magnani, donc emblème aussi du cinéma italien. Là, on en a fait l'esprit romain, donc qu'il invite à incarner ce film-là. Voilà, totalement inclassable à la trajectoire aussi. 15 films en 15 ans. Ouais. C'est aussi l'âge, cet âge d'or, l'âge des acteurs qui ne sont pas présents dans votre dictionnaire, puisque tout le monde ne peut pas tenir dans ce dictionnaire. Mais quel grand nom, les acteurs, Toto, c'est la vedette dans ces années 50-60. Alors, ouais, Toto, c'est la grande vedette de la fin des années 40 jusqu'au milieu des années 50, qui fait des succès au box-office énormes. Il baisse un peu d'un point de vue commercial, on va dire, parce qu'il fait un peu toujours le même film. C'est-à-dire, il joue toujours dans les parodies de films de genre, parodies d'espionnage. Il reprend des copies de la Dolce Vita. Il est un peu en perte de vitesse d'un point de vue financier, on va dire. Mais il fait, je sais pas, il fait 3 ou 4 films par an, donc il a une filmographie délirante. Mais il joue, en effet, il fait un film avec Rossellini. Et il fait des films magnifiques avec Pasolini. C'est-à-dire que notamment les courts-métrages avec Pasolini, là, Che cosa sono le nuvole, c'est un film vraiment sublime qui dure un quart d'heure. Il y a aussi La Terre vue de la Lune, qui est un autre qui sont intégrés dans des films à sketch. L'un, c'est Caprice à l'italienne et l'autre, je me souviens plus, mais c'est vraiment les sorcières, si. Ces deux courts-métrages, c'est fantastique. Vraiment des films de Pasolini, c'est des bijoux. Les acteurs qui passent allègrement d'un genre à l'autre. Mastroianni est peut-être la figure la plus emblématique de ce temps-là. Avec cette silhouette un peu dégingandée et ce visage rêveur en fait qui s'est prêté vraiment à tous les masques. Ouais, ça c'est très particulier. Ben, on se posait la question, nous, tout à l'heure, de quel acteur était important pour nous. Et moi, je parlais aussi d'un acteur que j'adore retrouver, qui s'appelle Romolo Valli, qui est beaucoup moins connu, mais qui est très connu, je pense, des spectateurs, parce qu'il est apparu partout. Mais c'est un acteur de second rôle, et ça aussi, c'est important, parce qu'on a ces grands acteurs, et notamment les Sordi, Gassman, tous ceux qui ont fait la comédie à l'italienne, Marcello Mastroianni, qui a été partout, qui s'est prêté à tous les genres. Mais on a tous ces comédiens-là, qui ont donné sa chair au cinéma italien à cette époque-là et qui témoignent vraiment de cet art collectif aussi. Et cette porosité des genres, un acteur comme Romolo Valli l'incarne bien puisqu'il est, on le retrouve à la fois dans Le Guépard, on le retrouve dans La Grande Guerre, une comédie à l'italienne, donc dans le chef-d'œuvre de Visconti. Voilà, on le retrouve dans des films très très divers. Au début des années 60, c'est aussi ce que vous appelez l'éclosion d'une jeune garde. Au milieu des années 60, début des années 60, vers le milieu, plein de jeunes cinéastes vont faire leur premier film. Ben, y en a un pour moi qui est emblématique, ben, j'en parle puisque c'est aussi ce un que j'ai découvert en faisant ce travail. Vraiment, c'est Bellocchio qui, en 65, déboule avec vraiment hein, comme une... Lui, c'est vraiment une déflagration avec les poings dans les poches. Et c'est un film qui est assez représentatif de ce que c'est, cette nouvelle vague-là, c'est-à-dire à la fois des cinéastes qui sont en rupture, qui sont à la recherche d'un nouveau langage, mais qui vont pas remettre en question complètement leurs aînés. C'est pas tout à fait la nouvelle vague par rapport au cinéma de papa qui veut faire vraiment table rase de ce qu'il y a eu avant. C'est quand même des cinéastes qui sont dans la continuité, mais qui voilà testent des choses, expérimentent, cherchent un langage qui se prêtera aux nouvelles questions politiques du temps, quoi, et alors aux nouvelles mœurs, et voilà, toutes ces choses-là. Marie-Pierre Lafargue, vous parliez de Bellocchio. Dès les années 60, apparaît donc un cinéma qu'on peut dire politique, une nouvelle génération de cinéastes qui sont plus marqués par la nouvelle vague française que par le néoréalisme. Mathias Sabourdin, qui alors, sont les auteurs du cinéma politique? Les emblèmes, on va dire, c'est Elio Petri et Francesco Rosi, qui sont vraiment les deux grands cinéastes politiques, qui ont été d'ailleurs beaucoup critiqués par la critique française, qui les jugeait didactiques, lourdeaux. Quand on voit leurs films, enfin en tout cas par les cahiers du cinéma, positifs, disons c'était des auteurs positifs et pas des auteurs cahiers, parce qu'ils étaient censés justement s'être éloignés de la leçon néoréaliste pour le coup. Finalement, ils étaient... ils étaient jugés trop didactiques. C'était vraiment ce qu'on leur reprochait. Finalement, peut-être trop de gauche, je ne sais pas. Mais leurs films à les revoir sont vraiment, vraiment passionnants. Justement, moi, je trouve qu'ils sont pas didactiques, que formellement, il y a une recherche incroyable. Petri, c'est un cinéma très sec, très violent, très distancié. L'influence, il adorait Godard, d'ailleurs, une influence de Brecht très forte, et de Kafka aussi. Et chez Rosi, alors là, il continue, lui, la leçon néoréaliste, contrairement à ce que disait une part de la critique française. Mais en faisant quelque chose de... Il invente le film dossier, qui est un mélange de... Oui, il y a le néoréalisme, il y a la présence du pays, il y a la présence des lieux, il y a tout ça, mais il y a une suspension du sens qui est aussi celle d'Antonioni. Enfin, c'est un cinéma beaucoup plus fin, beaucoup plus riche que ce que certains ont pu en dire. Moi, je trouve que Mamma sur la ville, enfin, c'est des films très connus, hein, Salvatore Giuliano, évidemment La Fermati, c'est vraiment des très très grands films. Il y a quelque chose qui est important aussi, c'est que certes il y a ce cinéma politique à proprement parler, mais que finalement dans le cinéma italien, le politique il est partout. Dans le cinéma de genre, dans la comédie à l'italienne, c'est un genre qui est plus que politique, hein, c'est-à-dire que des scénaristes et des auteurs vont regarder le réel, s'imprégner du réel, de la vie de l'homme commun et lui tendre un miroir sans concession. Vraiment, il y a vraiment cette dimension-là. Dans un cinéma de genre aussi qui va émerger à cette époque-là. Par exemple, si on prend le western, spaghetti, donc puisqu'on l'appelait comme ça, ou western à l'italienne. On a vraiment ces questions, même les problèmes du tiers-monde, les questions des rapports nord-sud qui vont complètement s'exprimer à travers le western Zapata, par exemple, de Corbucci ou des choses comme ça. Oui, puisque durant cette période faste, on voit aussi foisonner le cinéma de genre et les sous-genres. Ce que j'ai le plus aimé, c'était ce western-là, à l'italienne, donc il est en 64. Donc, c'est un petit miracle aussi, hein, ces moments où les grands genres perdent de leur puissance, de leur forme. Un petit film qui arrive du fin fond du désert espagnol, là, avec un petit réalisateur pas connu qui s'appelle Sergio Leone, un petit acteur pas connu qui s'appelle Clint Eastwood, et qui va rafler complètement, complètement emporter l'adhésion du public, hein, et lancer cette vague qui est assez brève, hein, mais qui va donner des films extraordinaires et puis qui va inventer un genre, mais formellement aussi, hein, avec des constructions, des codes du western classique américain, bon, plein de choses. Et là aussi, un regard très pessimiste et très dur sur la condition humaine dans ces espaces minéraux avec ces hommes, voilà. Oui, puisqu'en fait, ces sous-genres prennent le relais les uns des autres. Tout d'abord, le péplum, pendant une dizaine d'années. Oui, c'est le péplum qui relance vraiment la mode du genre en Italie. En 57, les travaux d'Hercule, c'est ce qui relance économiquement le genre. Après, arrive la mode des films à James Bond. Ensuite, le western spaghetti avec Sergio Leone. Et en effet, cette invention d'un cinéma de genre, qui est une copie du cinéma américain, ce qui n'est pas le cas du péplum, qui est une copie du cinéma américain, mais totalement désenchanté, c'est-à-dire qui finalement entérine la mort du cinéma américain. D'ailleurs, c'est amusant de se dire que Visconti et Leone constatent peut-être la même chose, c'est-à-dire c'est vraiment la fin des idéaux. Il y en a un sur un mode très très cultivé, très raffiné, et l'autre sur un mode plus vulgaire, hein, mais extrêmement raffiné d'un point de vue formel. Donc l'originalité vraiment du cinéma italien, c'est vrai, c'est qu'il reprend les codes du cinéma américain, très souvent même Dario Argento reprend les codes des films de Hitchcock, mais ils pervertissent ça de façon très brillante. Jusqu'au film érotique. Jusqu'au film érotique, dont je ne suis pas un grand fan, mais qui correspond un peu à la fin quand même du genre en Italie, c'est-à-dire le milieu des 70, enfin, qui est l'époque où il y a le plus de production, mais qui est le début du déclin, et la spécialité, c'était les copies de films un peu d'auteurs sulfureux, comme Le Dernier Tango à Paris, Portier de Nuit, des remakes semi-porno, oui. Avant de passer au déclin, cet âge d'or du cinéma italien est aussi celui des collaborateurs artistiques. Si on pense aux musiciens, aux producteurs, aux chefs opérateurs, Mathias Sabourdin. Là, on parlait du cinéma de genre, donc qui est un cinéma hybride. Pour le coup, via les techniciens, on peut se rendre compte à quel point le cinéma italien a été poreux. Si on compare au cinéma français, c'est pas du tout les mêmes rapports. Notamment un scénariste comme Franco Solinas, qui a écrit à la fois pour Pontecorvo, La bataille d'Alger, et qui a écrit aussi des westerns pour Sergio Solima, Ennio Morricone évidemment, qui a quand même fait les musiques des films de Pasolini, après les films de Bertolucci et les films de Sergio Leone, et un nombre de giallo délirants. D'ailleurs, c'est souvent ses meilleures musiques pour des films qui sont pas si bien que ça. Des grands producteurs, Carlo Ponti, Dino De Laurentiis. Grimaldi, un personnage, Alberto Grimaldi, un napolitain, très intéressant parce que alors lui aussi produisait les films de Pasolini, ceux de Leone, ceux de Bertolucci, des western spaghetti, des films de Lelouch en France. Le Dernier Tango. Le Dernier Tango, absolument, oui, et 1900, et les films de Fellini, Casanova. Donc un personnage à la croisée des chemins et qui vraiment symbolise ce qu'a été le cinéma italien, cette espèce de foisonnement qui allait peut-être parfois un peu trop, qui lui a coûté cher parce que il a trop explosé, c'est sûr, surproduction, surcoût, mais qui était quand même passionnant et très beau. Et donc, dès le début des années 70, le cinéma italien commence à décliner. Pour quelle raison ? Alors, il y a plusieurs explications. C'est très particulier parce que le cinéma italien est celui qui a le mieux résisté finalement jusqu'en 1975. Il y avait encore 550 millions de spectateurs par an en Italie quand il n'y en avait même pas 200 millions en France. Une production de plus de 200 films par an. Et d'un coup, il s'est effondré. En 5 ans, il est passé de 550 millions de spectateurs à moins de 200. La première explication, c'est l'arrivée de la télévision. C'est-à-dire que la télévision, il y a eu la libéralisation de la télévision en 76, je crois. Je sais plus, 75 ou 76, mais donc tout n'importe qui pouvait avoir une télé privée. C'est plus l'État qui avait le contrôle des télés. Il y a eu l'apparition de la télé couleur. Puis les gens se sont équipés aussi, et les gens ont arrêté d'aller au cinéma. Ils ont regardé des films à la maison. Ils ne sont plus sortis. C'est plus devenu la première sortie. C'était plus la sortie populaire par excellence. Donc on peut dire que c'est une évolution sociale logique, décalée par rapport à la France ou l'Angleterre. Mais c'est aussi un choix politique. C'est-à-dire que l'Italie a pas choisi de soutenir le cinéma à ce moment-là. L'État italien a totalement laissé tomber le cinéma. Elle a pas soutenu comme la France a pu le faire via le CNC. Et a laissé aussi, pour des raisons de combinazione, comme on dit, des gens comme Berlusconi prendre le pouvoir, objectivement. C'est-à-dire s'installer avec ses télés, parce que ça a rapporté beaucoup d'argent. Et on n'a rien fait pour l'arrêter. Donc ça a été déterminant. Et le dernier facteur qu'on oublie souvent, parce qu'il a été masqué par ce phénomène économico-politique, c'est la disparition des grands cinéastes qui n'avaient pas de relève. En fait, c'est-à-dire qu'entre 74 et 77, il y a De Sica qui meurt, Pasolini qui est assassiné, Rossellini qui meurt, Visconti qui meurt en 76. Ces gens-là meurent Et on se rend compte d'un coup qu'il n'y a plus personne derrière. C'est-à-dire que bon, Fellini, évidemment, est encore là, mais des gens apparus dans les années 70, il n'y a pas grand monde. Il y a Carmelo Bene, il y a Dario Argento, mais qui sont des gens qui sont assez vite épuisés quand même. Donc, enfin, qui au bout de 10 ans, dans les années 80, ils étaient vraiment plus là. Donc, il y a eu un vrai problème générationnel. Peut-être que les aînés avaient été trop forts, trop puissants, trop doués, trop géniaux. Puis ils sortaient d'une époque, ils sortaient de la guerre, quoi. Ils avaient connu une époque qui les avait fait émerger. C'est vraiment la fin d'une époque, en tout cas, ça c'est sûr. Vous parlez d'un épuisement générationnel dans ces années, mais on peut se poser cette question, s'il y avait eu des talents nouveaux, comment auraient-ils pu se révéler dans ce contexte ? C'est pas faux. Alors, c'est ce que va être évoqué dans l'archive avec Adrien Vapra, c'est qu'il y a sûrement des cinéastes italiens confidentiels qui auraient fait des choses peut-être en France, parce que via le système, des Straub, des gens comme ça, qui seraient apparus. C'est ce qu'on dit d'Alberto Griffi, voilà, qui sont des gens qui ont fait du cinéma expérimental, mais qui sont pas sortis de ce cinéma-là, pour aussi des raisons politiques. C'est-à-dire que la situation était très tendue en Italie dans les années 70, quand même. Il y a eu un président du Conseil qui a été assassiné, il y a eu un nombre d'attentats énormes, il y avait la question des Brigades Rouges. C'était très très violent. Donc ça faut pas l'oublier. Peut-être qu'en effet, c'était pas possible en Italie à ce moment-là d'émerger. Dans les années 80, c'est vrai que c'était l'époque des grosses comédies avec Adriano Celentano, qui a continué les années 90 avec la série des Natale, qui sont des films de Noël, là. Ils appellent ça les Cine Panettone en Italie. C'est le, parce qu'on mange du panettone à Noël. Donc, on va voir des films adaptés, qui sont des trucs, c'est moins bien que Jean-Marie Poiret, c'est vraiment, vraiment pas bien, quoi. Donc, c'est cette question n'est pas résolue, puisque on ne peut pas refaire l'histoire, mais c'est possible. Mais finalement, de cette situation restera un cinéaste tout seul, l'autarcique Nanni Moretti. Il est aussi un petit peu l'arbre qui cache la forêt, hein, puisque aujourd'hui à Cannes, on a les trois grands cinéastes italiens reconnus au niveau international, du moins Paolo Sorrentino, Matteo Garrone et Nanni Moretti. Mais il y a aussi, il y a d'autres noms en Italie aujourd'hui. Il se passe des choses et ceux-là sont un peu incontournables. Donc peut-être l'année dernière, il y avait une toute jeune cinéaste en compétition officielle qui s'appelle Alice Rohrwacher. Et voilà, il y a aussi ce cinéma-là nouveau qui est lié à ce qui se faisait avant, qui est dans une forme d'hommage, mais un hommage qui n'est pas du tout, qui ne gèle rien, et qui permet une grande créativité. Donc il y a des choses qui se font, en documentaire aussi. Donc nous nous retrouverons dans 2h30, Marie-Pierre Lafargue et Mathias Sabourdin, juste avant la fin de cette nuit spéciale cinéma italien. Et d'ici là, nous aurons écouté Pier Paolo Pasolini parler de l'Évangile selon saint Matthieu, à l'occasion de la sortie du film en France en 65, suivi de Michelangelo Antonioni par Jean Dev pour les mardis du cinéma en 1994, et pour finir, le cinéma italien avec Adriano Apra, proposé par Serge Danet pour Microfilm en 1989. La nuit spéciale cinéma italien se poursuit sur France Culture, en votre compagnie, Marie-Pierre Lafargue et Mathias Sabourdin. À tout à l'heure.